lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Intervoisonek sur RKB, le moment de la leçon de breton. Kentel Pemkant, père. 504. Allez, on avait fait la 403, maintenant la 504. On n'est plus à la page, Henri. On n'est plus à la page. Hein. Ouais. Bon. Alors. On commence par Guerrieux-Arvué, Henri. On commence par Guerrieux-Arvué, oui. Alors aujourd'hui, je pensais parler d'un mot, et puis c'est une racine aussi, c'est lip. Lip. Qui a donné le verbe lipadin, voilà. Alors lip, c'est un mot masculin qui désigne au départ un mets liquide. Et c'est un emprunt au vieux français lip, hein, qui est lui-même dérivé du flamand et qui désigne la lèvre et surtout la lèvre inférieure, la lip, voilà. Et cette racine concerne tout ce qui concerne l'action de lécher, en fait. Hein. En breton, on dit lip soma mene que dinorop. D'accord. Bon, en français, c'est un peu pareil. Lécher, c'est agréable, mais c'est pas élégant, quoi. Hein, voilà. Lipader plat, hein, lécher l'assiette. Bon. Donc, ça a donné le verbe lipad, hein, qui est un verbe régulier. Donc, dans la base verbale est lip. Et le participe passé, lipad. Hein. Il y a aussi une forme pronominale, un non lipat, se lécher. Se lécher mutuellement. Les potaches, autrefois, qui apprenaient le latin, avaient composé cette rimade là, asinus asinum fricat, doas non lipat. Ça veut dire deux ânes qui se lèchent mutuellement, asinus asinum fricat. En latin et en breton, doas non lipat. Voilà. Alors, il a aussi un sens figuré, le verbe lipat qui est, enlever ou dépenser aussi. Par exemple, dans la chanson qui est son millénaire là, on a non robla ou une lippe toute hasard visa ou un mechouk. Non robla ou une lippe toute joli coucou hasard visa ou un mechouk joli joli coucou. Donc en un an, l'argent a été consommé quoi. Non robla ou une lippe toute. Alors il y a beaucoup de mots dérivés, hein, de lip, hein, lipper par exemple, hein, pour désigner un gourmand quoi, hein, lipper. Lipus, hein, qui est alléchant. Bouée de lipus. Hein, bouée de lipus, hein, ouais, oui. Lipique. Ah oui. Ouais, lipique là. Avec le kikafars. Avec le kikafars, hein, voilà. L'action de lécher. Ou bien le fait d'avoir léché quelque chose, lipaden, hein, une petite quantité, lipaden, hein, voilà. L'action de lécher, c'est plutôt lipadur, hein, mot masculin, hein, comme tous les mots en ur, sauf plijadur. Voilà. Peur lipat, finir de lécher, quoi. Là, c'est vraiment s'appliquer, hein, comme le chat dans un pot de yaourt. Comme le chat, oui. Peur lip ne se plante, hein. Il a fini de lécher l'assiette. Voilà. Lipper, ouais, lipper, je l'ai déjà dit. Purlip. Purlip, c'est la deuxième bouchée, on pourrait dire. Hein. Ah oui. Voilà. Alors, purlipper, c'est aussi utilisé pour dire un retoucheur. Hein, par exemple, pour les vêtements ou à quelqu'un qui finit une action. Hein, pour retoucheur, purlipper. Hein. Voilà. Des surnoms aussi, avec lip, hein, lipivaru, hein, c'est celui qui se laisse les moustaches. Lipiveren, celui qui lèche son verre, enfin. Voilà, qui... C'est imagé, quoi. Ouais, c'est, oui, ouais. Lipiveren, hein. Celui qui lèche pas la corde du puits, c'est ça? Oui, alors, pour terminer, voilà, un costume de lipatcha de Norpus. C'est marrant, on s'est retrouvé là-dessus pour finir. Ouais, c'est celui donc qui n'est pas habitué à lécher la chaîne du puits qui est humide bien sûr, mais avec de l'eau. Hein. Donc c'est celui qui a plutôt tendance à boire d'autres boissons que de boire de l'eau. On en reste là. Voilà. On en reste là pour Guerrieux-Arvué et on passe à la seconde partie Brezonek Tamb à Tamb. Alors on part maintenant pour Brézonnec dans ma tombe, c'est le dialogue. On part, Henri, à Zandtolloc. Oui. On part à Zandtolloc à la rencontre du président du club de boules. Oui, voilà, Henri Gag qui habite à Kerverne, hein, un village de Zandtolloc. Ça fait un moment qu'il habite là-bas. Hein. Oh oui, ça fait longtemps, oui. Et il est président des boulistes à la fois de Zandtolloc et de Poudérien à côté. La commune qui est de l'autre côté du Blavet. L'autre côté du Blavet. Salut André. Madame Traugonard. Ya matré chanik à Gonard. Matré yé. Mais la redinta André. Rui est président d'Arvouloustet. Ya président d'un strolat Berterboul ou Bézavet. Quand tu de Zantolog à de Splouderien, c'est que l'asso. Ag en man on ba boulodrome Zantolog. Ya chanik. Derne zun du de l'art à aisé, iliseur boulou. Mais guiré hors boulodrome Caire. À Galilée, c'est vé roiriet boulot en main. Oh, ya, BMD pévé clou à roire un homme, puis j'aurai de régos au beurre parti, à gavéjo vé tudiowang. Tudiowang? Ya, divéjermi se vé get kentelio et vi dis qu'il roiri, scolor boulot vé gré de zé, dis que vé pose ou à reine, pédré au blancon, téno ou à roule, pé ou à boc, on tombe sorte, mais don d'orvé j'penec de vel, ma peçoine. Ah, y'a André, dont Nerine. Voilà. Et voilà, on va reprendre phrase à phrase, Henri, ce dialogue entre le président des boulistes et Chanik, André Gac. Salut d'André, madame Tragonor. Oui, ça va, les choses vont bien avec vous. Y'a, matré Chanik à Gonor. Oui, et avec vous. Matrié, mette la redine ta André, Rui est présidente à Voulistet. Oui, mais dites-moi, André, vous êtes président des boulistes, alors. Alors vous listez, hein, c'est un pluriel de nom de personne qui se termine pas en ou, donc après l'article il y a une mutation. Alors vous listez. Y'a Chanik, président d'Arstrolat, Berderboulou. Oui, Chanik, je suis le président de l'association Berderboulou. Sus au boule, si on veut. Allons-y au boule. Betzavet gan tut de Zandtolloc. Oui, qui a été créé par des gens de Zandtolloc. Ah, de Splouderien, Seitek Vlasso. Et de Splouderien, il y a 17 ans, Seitek Vlasso. Ag, en man, on ba boulodrome Zandtolloc, demande Chanik. Et ici, nous sommes dans le boulodrome de Zandtolloc. Ah, y'a Chanik, Dek Vlasso, et Betzavet. Et oui, Chanik, il y a 10 ans qu'il a été construit. Tudzo à l'avare, Ilis Arboulou. Alors, certains disent, c'est le temple des boules. Guiré et en boulodrome Ké. Ben oui, c'est vrai que c'est un beau boulodrome. À Galilée, c'est fait roirier de boulot en main, demande Chanik. Et on joue souvent aux boules ici. Ah, ya. BMD, pavé clouar, war en amzer. Oui, tous les jours, quand le temps est assez tiède. Alors, c'est une façon plaisante de dire. Quand il fait beau, quand il fait assez chaud. Pligera d'arregos au beurre parti. Oui, ça plaît aux anciens de faire une partie. Pligera d'arregos au beurre parti. C'est-à-dire, les anciens aime bien faire une partie. Mais la véchou, vêtu du wank y est. Mais de temps en temps, il y a des jeunes aussi. Tu du wank, demande Chanik. Des jeunes. Ya. Du véchermis, à rendre qu'un tel you évit de disque roari. Oui, deux fois par mois, je fais des leçons pour apprendre à jouer. Scolar boulou, vé l'arrêt de zé. On appelle ça scolar boulou, hein, l'école des boules. Desquet vé. Pézoirun. Pézoirun. Alors, on apprend à poser directement ou par la planche, Pedreyer Blancon. Ten noir roule. J'arrive pas à lire la photocopie. La photocopie, c'est un peu. Oui. Ten noir roule. Ten noir roule, hein, tiré à roule. Ah, oui. Hein, Pewar Bok ou Apok. Hein. Un tombe absurde. Un tombe absurde, un peu toutes les techniques. Hein. À plija dur, oui. Et il y a du plaisir. Mais. Deux d'Arvéchou, Benaket de Vélette. Mais oui, viens donc une fois ou l'autre nous voir. Ah, il y a André, dont Nerine. Voilà, elle viendra. Donc il y aura une émission là-dessus, certainement, prochainement. Parce que Chanik tient ses promesses. Oui, oui, tout le temps. Allez, on passe à la troisième partie après ce dialogue. C'est Petra Zonet-Vervro, c'est la Gazette d'Henri Le Naou. Thank you. phrase au neve ervo. Quand je trouve au neve ervo, il va juste boire vite dit aux ans. Déjà même clé de goku quand on va purut, à quand aura brave blanc. Crogum de diant il va juste quand la bourdouar a revue war armes. Pégomtine de la bourdouar un DL ou un terrali ou bas en brieux, qu'à zo bête calze de tut, ne p'tor même stravi de blayowel. Surtout tut de ze vichor wa que tiens me de vel blayowel. Pudur zo trubu en labouré rien de douar et vel juste. Hendel, comme ze ve calze en marrément de ze louseyer chimique vel implige de vie de l'arbre douar, mais quand calze d'une Hendel, vidéo liors, bah, her yo was, ag louseyer ze ve hand ve pesticides. Zezo orge a oa bekrou de tro blavez yo triugen de ze hand vedel. Eus oz neug de diantan, pesticides. Hag un gierz bon pest pe pestis ze ve implis vi komp ze ze leve da. Pe zo un draval, gwegel vigelar de latin de Zatila oa pestis dei. Le fléau de Dieu. Ze ve kant ba Ernest Lavis, Attila, Agagal, ouais, la meuslar, le fléau de Dieu. Agelos dier cid, hein, puis j'aurais pesticide, veinpli de, los dier de ce latin, ag veinpli je de vidlar, laro, de laran, hein. Da square, velard, homicide, régicide, déicide. Fratricide. Fratricide, déicide, même, mais sinon, ils ont casse, laro notre ou doué. Mais ils ont dit, ils ont tort, je vois. Hag, bon, gwell ar red, ar gier pesticidet, zo deud eus ze, avec avet kalz draou, insecticidet vilar an emprevandet, fongicidet vilar o mildiou, da skouer war a pato, herbicidet, raticidet, a mi war mi molusicidet, o bern traou zo. A war dach en el ouzeier ze, zo an marad, divin war ar bed, hein, pudur zo stalio bras, vel Bayer pe Monsanto, hag eus stalio ouze neus kalz erhan, vi krouï stroladou, de bouezan war a politikourien, vi harz vefe bet votet lezen o en up day, hag eur stroladou ze ve lart lobiou, lobiou. A reiz neus kalz e bouez ba Washington pe ba Bruxelles ma meus mot, setu perek Etienne Sterd ober lezen o a hefe, in up de stalius. Da skwer ve komp ze kalz de ze glyphosat en dant ve ve kavet en dant ve chimik ve implijet de la roblante nou e bepsort hag glyphosat se ve kavet da skwer ba ze roundup a studi zo beget studio zo beget hag zisk e val pud en drase pudur Hervé en OMS, hein, urs b de l'arrière, ve fait b de, on dra, refait, rin b d'un dut, hein, ve, ve l'art de galak potentiellement cancérigène. Mais de, bon, comme je zoos b de c, bah, brejou, bre europa, ne vaisseau, mais de, bon, ne ce que b discloum b, plus dur, ve nous l'artar, lobby, zo, solid hardy, hein, à Nuskalzeran. Bah, brovran, jusmad, zo, a lesen, ou a restern, évite, gwella de nendro, hein, renvede, galag, loi sur la biodiversité, hag, evel jus, ne skeve, comme ze kalz, ze, bah, mediaio, pudur, zo, reuse, ou a dachen, lesen, ou a l'arbre, c'est tu, vec, comme ze kalz, de se. Ma trezen, vos disclaire, yel un trou prestig. Mais n'est que voir Robert les énous ré des bouts des fédus ou à l'air Aziz ou naferel les vel juste puis dur lesen n'est que voir vote lesen mais ou à l'air vers ré de Robert trop voir un dachen chôme moi son tom voir voir la bourdouar brovrance vers l'art calze loué bon balérel bah broyowel calze broyowel avec l'art de loué Ven lusket de vrasat, hag ba brovranz e kustum un dut de zibi ki loué, c'est une bonne, c'est une aze ba brovranz e l'air War Orbid, l'homme avait l'art de mûr en l'ouïe. Hag, me mestron, eus disken et de, zé, an, vec de deb tiem de l'ouïe, ou vel, vige deb de trug en lasso. Bon, dans mon temps, war dachen en endro, strolat parouz you kreis breiz, a CCKB, neus, zo jonge, labourad war a raktres, evit zé, vel tour you avel, et vite reitré dans de vro ag bon zive fait bigred ça tu plus garné elle ag tiens gris moelo à bas plan on est ag mercos mercos très malga d'Eric Brian zo une cargue de nafarze vide vro vide CCKB. Dans mon temps, vraiment, voir d'acheneur politique, il reste. Pelle en moi, c'est 2 heures, vota, d'ailleurs, bla, de zone, hein, bla, c'est, pe vos, dibab, don, din, et vi, mon, voir, garde, en roue, et bro, France. Mais déjà, zo, cal, j'ai dû, voir, un ring, hein, milliardaire, zo, tu, voir, un ring, ag, ré, rue, ré, gwen, ré, pêcheur, à peu de sorte. Ag, gwen, le rang, bah, vous, en me, Christian, 3 deg neus l'arret oa jonge mod de der al mon, bet a pen ma trezen vi mon oa ar trône, roue e vrans, met ne dek l'arret heru yo. Met ne vek gwaard kalzen dun zo oa ar rank. Bon, donc vraiment oa ar dach en ur zevena dur. De dientan a zi, an de l'ar vondra, Martial Ménard neus gred o... Or guerrier dur neve war ar brezhonek, hag ne vo ket kavet un pape, kavet vo war ur rouedad, hag divri pig bezedaj, me zon, o c'hen montevelet, bon, me Martial Ménard zon den skiant, hag on zur war vo an dra plijus. L'art de Alice et Braise Brouwer Gouelliou, à Guiré, Calz, Gouelliou, zo, vrai ton de bichet, or Gouelliou, Gouegel, Vigéeur, pardon, yo, à Calz, Dut, Vigé, bah, pardon, yo, ou de grade, puis j'adore, annon, grave ou de sembles, à vraiment, avec Gouelliou, Gouelliou, Bob Sortrou, d'asquer un dro de Gouelliou, Erwan, Vec l'art an gwell erwan ti non eo bav laio zo, vije l'art gwell erwan, pe dur oa ba mizme, an dro de gwell erwan, met bon tud so a gravede oa ze, redos de zo religion, se tu ve l'art fet de la Bretagne. Bon man. Ya, jonj gwa bet or tam de zo gwell erwan, pe zve gret, ba Xan Patrick, ba bro eo erzon, met bon... Bénéfine et chôme de fête de la Bretagne. Et il se l'a saut, mais on avait grédé. Non, c'est quoi. Mais de cuder nous au grandeur Gouelliou, hein. Puis on verrait quand calze du de Yulvat, à vide de case Trouaroc. Ag Gouelleron, bon, viso calze Gouelliou à Nusbir, hein. Da square blanc menus que bet gwell an dreu jeun gol, ba gron vel, hein. Hag, bon, zira on toul ba mes ke gwell yo, hein. Hag, kalz blas o gle an lard, et diez, ober gwell yo. Me mestra, bon, ba nan de zon vo kalz gwell yo brao, hein. Da square vo zon loup ba gwen gam, gwell an dans plin ba... Ben Danouet, hein, gwell un danse ficelle, gred gand la gevridig eus al ficellerie de Barostren, agel, agel. Bon. On den a zo bru de tri, ba vro am, et Jean Hamon, velard de Saint Jean qui a grist, hag man hor neus gred o narvez neve, hag man hor on trop breiz adare, videur vej diou ez an eus lart, quoi. Vej en amzer a vej diou ez an... Lart eus vej me vo an diou ez an, met den bet evel just, de gret ze, quoi. Peut dur, om kustum de gled ken a vo, jean ki a grist, hein. A zur voir vos hadgwell roas be war trowel. Bon. Kals vichon un tom war dash in de zevenadio. Kals de droy, kals de drow ve gred war chapel you evro. Da square ba ba gwengam chapel zan Leonard zo echu roman. La boyo zo be gred. Hag un deel oa oa bet plante d'or magnolia evit fin labourio, quoi. Ah ba, kal se blas oa la ve, ve gred un dro d'or chapel you dis. Bon, setu yon tamm deus peso neve, hag ben a vegel vo kont oas. Kenevo, Eri. Ya, kenevo.